بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a entendu les propos de celle qui discutait avec toi, ô Mohammed, au sujet de son époux et qui se plaignait à Dieu. Dieu a entendu votre conversation, car il entend tout et voit tout. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Ceux d'entre vous qui délaissent leurs épouses en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère. Elles ne sont pas leurs mères, ils n'ont pour mère que celle qui les a enfantées. Ils prononcent certes une parole odieuse et mensongère. Dieu cependant est pardonneur et miséricordieux. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui délaissent leurs épouses en les comparant à leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun rapport avec elle. Et s'il ne peut jeûner, il doit alors nourrir 60 nécessiteux, cela afin que vous croyiez en Dieu et en son messager. Telles sont les limites imposées par Dieu, et pour les négateurs, il y aura un douloureux châtiment. الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager seront humiliés comme le furent leurs prédécesseurs. Nous avons fait descendre des preuves explicites et les négateurs recevront un châtiment avilissant. Un jour, Dieu les ressuscitera tous. Puis leur rappellera leurs œuvres. Il les aura toutes recensées, mais eux les auront oubliées. Et Dieu est témoin de toutes choses. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ne vois-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il n'est pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, et qu'ils soient plus ou moins nombreux, il est toujours avec eux où qu'ils se trouvent. Ensuite, au jour de la résurrection, il leur rappellera ce qu'ils faisaient, car Dieu est certes omniscient. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. N'as-tu pas vu ceux à qui les conversations secrètes avaient été interdites et qui par la suite ont récidivé? Et ils se concertent en secret pour pécher, se rebeller et désobéir aux messagers. Lorsqu'ils viennent te voir, ils te saluent en des termes que Dieu n'utilise jamais pour te saluer, tout en se disant en eux-mêmes, « Tiens, pourquoi Dieu ne nous punit-il pas pour ce que nous disons ? L'enfer, où ils brûleront, leur suffira. Et quelle horrible destination !» يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Oh, vous qui croyez, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, vous rebeller et désobéir aux messagers, mais soutenez-vous dans la piété et la crainte de Dieu, et craignez Dieu, car c'est vers lui que vous serez rassemblés. Certes, le conciliabule n'est que l'œuvre de Satan, qui cherche à causer du chagrin à ceux qui croient. Mais il ne peut en rien leur nuire sans la permission de Dieu. Alors, que les croyants placent leur confiance en Dieu. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ô vous qui croyez, quand on vous dit, faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Dieu fera en sorte que vous trouviez vous-même une place au paradis. Et quand on vous dit, levez-vous, alors exécutez-vous. Dieu accordera des rangs plus élevés à ceux qui auront cru et qui auront reçu le savoir parmi vous. Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Ô vous qui croyez, quand vous vous entretenez en privé avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur et plus pur pour vous. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Craignez-vous de devenir pauvre en faisant précéder votre entretien d'une aumône? Alors si vous ne le faites pas, et que Dieu vous pardonne, du moins observez strictement la prière, acquittez la zakat, et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون N'as-tu pas vu ceux qui prennent pour alliés un peuple contre lequel Dieu est en colère? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils prononcent à dessein de faux serments. Dieu a préparé pour eux un terrible châtiment, comme sont mauvaises leurs actions. Usant de leurs serments comme de boucliers, ils détournent les hommes du sentier de Dieu. Ils recevront donc un châtiment humiliant. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucun secours contre Dieu. Tels seront les habitants du feu. Ils y demeureront éternellement. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Le jour où Dieu les ressuscitera, tous ensemble, ils lui feront le même serment qu'ils vous font maintenant, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Ce ne sont en vérité que des menteurs. Satan les a subjugués au point de leur faire oublier leur appel de Dieu. Ils forment le parti de Satan. Et les partisans de Satan seront assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager seront voués au sort le plus humiliant. Dieu a décrété Assurément, je triompherai, de même que mes messagers. En vérité, Dieu est fort et tout-puissant. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu n'en trouveras pas parmi ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les membres de leur tribu. Dieu a gravé la foi dans leur cœur, il les a raffermis d'un esprit venant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Dieu sera satisfait d'eux, comme ils seront satisfaits de lui. Ils formeront le parti de Dieu, et seul le parti de Dieu réussira.